La zone touristique internationale Wonsan Kumgangsan, située au centre-est de la Corée, a une bonne perspective pour le tourisme et le développement grâce à ses conditions naturelles et géographiques. Son temps est doux et les différences de la température sont au minimum par l'influence de la mer de l'est de la Corée où il y a les courants marins chauds et froids. La zone est abondante en vestiges historiques, sites et patrimoines protégés par la loi, stations balnéaires, lacs naturels, source d'eau minérale, etc. Elle a aussi les assises et l'environnement juridique permettant de développer l'exploitation de la zone et l'industrie touristique par les moyens de transport routier, ferroviaire, maritime et aérien. Le gouvernement de notre République active les échanges sur diverses méthodes d'investissement pour transformer cette zone touristique en celle d'ordre mondial.